إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la semaine passée on avait commencé l'explication de Sourate al-Baqarah, tafsir Sourate al-Baqarah, et c'est les 20 premiers ayats de Sourate al-Baqarah qu'on va expliquer du livre du Cheikh al-Fawzan, Durusun min al-Qur'an al-Karim. Donc qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait expliqué, on commençait à expliquer les 5 caractéristiques des gens qui ont cru extérieurement et intérieurement, c'est-à-dire les vrais mu'minim qu'Allah a nommé al-muttaqoun, ceux qui ont taqwa, d'accord. Et on avait expliqué que la première de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ont al-iman ou bil-ghayb, ils croient en al-ghayb, en l'invisible. Deuxièmement, on avait expliqué qu'ils établissent la salat, hein, yuqimuna salat. Et ça, on a expliqué que yani, c'était pas uniquement de faire les gestes de la salat, mais c'était également de l'établir intérieurement et extérieurement. Et donc ça implique également qu'il faut avoir qu'est-ce qu'on appelle la présence de cœur, hudur al-qalb wal khushu', c'est-à-dire la concentration et l'humiliation du cœur, l'humilité du cœur, yani lorsqu'on se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait mentionné que l'être humain, il n'aura de sa prière que ce qu'il se souvient ou ce qu'il a été conscient durant sa prière lorsqu'il a prié. Et ça a été rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu. Donc maintenant on commence avec la troisième caractéristique des muttaqoun, hein, des gens qui ont cru et qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, c'est-à-dire qui donnent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur bien, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme risque, hein. Ils donnent pour Allah de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Donc le Cheikh il dit والقرآن غالبا يذكر الإنفاق والصدقة مع الصلاة لأن الصلاة إحسان فيما بين العبد وبين ربه والإنفاق إحسان بين العبد وبين الناس فهم يحسنون فيما بينهم وبين الله بإقام الصلاة ويحسنون فيما بينهم وبين الخلق بالإنفاق. Donc le Cheikh il dit que en grande partie ou en général le Coran, lorsqu'il mentionne le fait de donner de l'argent et de faire l'aumône ou la charité, sadaqa, il le mentionne toujours en même temps avec as-salat. Hein, c'est souvent, ces deux choses-là sont souvent mentionnées ensemble. Yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zaka. À chaque fois, c'est presque mentionné ensemble. Et le cheikh il dit parce que as-salat c'est une bonne action que tu fais entre toi et ton Seigneur. C'est une relation d'adoration entre toi et ton Seigneur. Tandis que al-infaq, lorsque tu donnes de tes biens pour les pauvres ou pour les autres personnes qui en ont besoin, hein, et ben ça c'est une chose de bien que tu fais et ça a rapport entre toi et les autres parmi les êtres humains, ou les autres parmi les hommes, donc ça a rapport, ça montre que tu as complété une autre aspect, c'est-à-dire l'aspect qui est entre toi et les autres hommes. Donc on essaie d'arranger et d'embellir et de corriger ou de parfaire notre relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala en établissant la salat, et on essaie d'embellir notre relation avec les autres qui sont autour de nous parmi les êtres humains en donnant de notre bien et en ayant la générosité et des choses de ce genre. Après le cheikh il dit wa qawluhu wa mimma razaqnahum min tab'idiyya ay ba'd ma razaqnahum لأن ليس المطلوب أن تنفق كل مالك بل المطلوب أنك تنفق بعض مالك ولهذا عبر به بمن التبعيضية. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que et il donne de ce une partie de ce que nous leur avons donné comme subsistance, ça, ce min qui est utilisé dans minma ou minma, là ils sont reliés ensemble parce que c'est la liaison qu'on fait, mais en réalité c'est minma, c'est-à-dire une partie de ce qu'on leur a donné comme résistance. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qui est voulu dans ce verset là et dans cette parole là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te demande pas de donner tout est bien. Il veut seulement que tu donnes une partie de ce que tu possèdes, de tes biens. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous ordonne pas de donner tout ce qu'on possède au complet pour qu'il ne nous reste plus rien par la suite. Donc c'est ça, c'est ce que signifie ici le min qui est utilisé dans le début de ce verset-là. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa ma al-mawsula bima'na al-ladhi. Wa qawluhu رزقناهم فيه إشارة إلى منة الله عليهم وأن هذا المال لم يحصل لهم بحولهم وقوتهم ومعرفتهم وإنما رزقهم الله إياه فالفضل فيه لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que le ma après le min ma, le ma ici ça veut dire يعني الذي, c'est on appelle cette forme de ma mawsoula, ok, et il a le même sens que quand on dit allazi, c'est-à-dire celui, ou yani dans ce verset là une part de, hein, de ou celui, etc. Donc on peut voir selon le contexte sa signification. Et le cheikh il dit razaqnahum, hein, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dont nous leur avons donné une partie de ce dont nous leur avons donné comme subsistance, le cheikh il dit que ça montre que c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous l'a donné, donc c'est comme une grâce et une faveur de sa part, hein. Donc en réalité les biens qu'on possède, on les a pas uniquement par nous-mêmes et par notre force et par notre connaissance et notre intelligence, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné comme subsistance. Donc le mérite dans ce bien-là qu'on donne, en réalité retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, subhanallah, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de donner une partie de ce qu'il nous a donné. Hein? Donc en réalité, c'est pas à nous, c'est à nous, mais je veux dire, c'est comme si ça vient pas de nous, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui nous l'a donné. Et donc, il nous demande d'en donner une partie de ce qu'il nous a donné. Donc, le bien et le mérite revient à lui avant tout. Et le cheikh, il dit, « Yunfiqoun al-infaq fi l-lugha al-ikhraj. Summi al-tasadduq infaqan li-anna l-insan yukhriju min malihi. Yuqalu nafaqat al-dabba iza matat وخرجت روحها وسميت النفقة نفقة لأنها تخرج من المال ومنه النفاق وهو الخروج من الإيمان فمعنى ينفقون يخرجون من أموالهم الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الزوجة والأولاد والأقارب ويخرجون أيضا الصدقة المستحبة كصدقة التطوع كالصدقة على المحتاجين في سبيل الله سبحانه وتعالى. Donc le chef il a expliqué ici la signification linguistique du mot yunfiqun. Et al-infaq, il dit que al-infaq, dans la langue arabe, ça signifie de faire sortir, hein, de sortir quelque chose. Donc, on appelle al-infaq, on appelle le fait de faire l'aumône ou le geste de donner la charité, l'aumône, on appelle ça infaq parce que c'est quelque chose que l'être humain ou que la personne sort de ses biens. Hein, elle extrait ces choses-là de ses biens pour le donner aux autres. Et lorsqu'on dit en arabe par exemple nafaqatid dabba, c'est-à-dire un animal on le décrit comme ayant avec ce verbe là, c'est-à-dire nafaqat dabba, ça veut dire qu'elle est morte et que son âme est sortie. Donc il y a encore là, il y a encore le sens de sortir ou faire sortir. Summiyat an-nafaqa nafaqatan li'annaha tukhraju min al-mal. Et on appelle donc an-nafaqa nafaqa parce que c'est quelque chose qu'on extrait de nos biens, on fait sortir de nos biens. Et de là vient également le terme an-nifaq, hein, lorsqu'on parle par exemple des gens qui croient avec la langue et qui font les actions de la foi mais qui ne croient pas réellement dans leur cœur, donc on appelle ça an-nifaq. Et ça vient également de la même racine, c'est pour ça qu'on dit an-nifaq. Et le cheikh dit wa huwa al-khuruj min al-iman, et c'est en fait le nifaq, c'est-à-dire de sortir de la foi, hein. Donc ça a toujours le rapport avec le terme de sortir quelque chose ou de sortir de quelque chose ou d'extraire, hein. Donc le cheikh dit fa ma'na yunfiqun yukhrijuna min amwalihim as-sadaqa, donc la signification de yunfiqun dans ce verset là wa mimma razaqnahum yunfiqun, c'est-à-dire ils font sortir de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire une charité, un aumône, hein. Soit qu'elle est obligatoire, comme al-zakat ou al-kaffara. Donc, des fois, par exemple, tu donnes al-zakat, ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire, une fois par année, lorsque le montant d'argent que t'as réussi à accumuler, de tes surplus, hein, de tes économies. Ça a dépassé le nifab, c'est-à-dire ça a dépassé le montant limite que ça doit atteindre et que tu l'as gardé pendant un an sans y toucher et que ça fait pas partie de tes biens nécessaires pour vivre ta vie de tous les jours, comme qu'est-ce que tu as besoin comme nourriture, vêtements, habillement, logement, etc. Donc ça fait pas partie de tes priorités ou de tes biens, de tes nécessités. C'est un surplus d'argent dont tu n'as pas besoin. Eh ben, lorsque cet argent-là que tu as gardé un an et que tu l'as pas touché, eh ben, yani, tu prends 2,5% de ce montant-là et tu le donnes obligatoirement en zakat. Mais on va y revenir à ça, inshallah. Et al-kafara, c'est quoi? C'est une expiation, hein. Et donc, c'est pour effacer certains péchés. Et pour certains péchés, Allah subhanahu wa ta'ala a établi une kafara, hein. Il a établi une kafara, c'est-à-dire une expiation. Tu dois donner une certaine somme d'argent pour réparer cette erreur-là que tu as fait. Donc, lorsque par exemple un homme a des rapports sexuels avec sa femme durant ses règles, il a une kafara à payer dans ce cas-là. Et il y a beaucoup d'autres cas de ce genre également, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a établi certaines punitions économiques pour réparer certains péchés. Et ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce que le cheikh a nommé as-sadaqa al-wajiba, c'est-à-dire ces formes-là, al-zakat et al-kafara, sont obligatoires, on doit les donner, on n'a pas le choix. Tandis qu'il y a d'autres aussi. Par exemple, il mentionne parmi ces sadaqat-là qui sont obligatoires, le fait de donner une nafaqa ou de donner de nos biens, à notre femme, à nos enfants et aux proches qui ont besoin de notre argent. Donc pour ces gens-là, c'est-à-dire notre femme et nos enfants et nos proches, c'est obligatoire de le donner également. Donc ça fait partie des formes de nafaqa obligatoires. Ensuite, ils font sortir également de leurs biens les sadaqat qui sont recommandées ou qui sont glorifiées ou aimées. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est pas obligatoire, mais si tu le fais, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Comme par exemple le fait de donner volontairement de nos biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour donner aux gens qui en ont besoin. Fisabilillah, c'est-à-dire dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit wa qala yunfiqun wa lam yadhkur al munfaq alayhi liya'umma kull wujuh al infaq allati amara Allah jalla wa ala bil infaq fiha. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné yunfiqun, c'est-à-dire il a dit yunfiqun, c'est-à-dire ceux qui donnent. Hein, les croyants, c'est eux qui donnent de leurs biens, hein. Ils font sortir de leurs biens quelque chose pour donner aux gens qui en ont besoin et etc. Donc, il n'a pas mentionné à qui on donne. Il a seulement mentionné qu'il faut donner. Donc, il a dit le cheikh que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça de cette façon-là, c'est pour que ce soit plus général et pour que ça englobe toutes les facettes du fait de donner en au monde et de donner en charité, hein, dans le sens que ça englobe toutes les formes qu'Allah a ordonnées ou nous a commandé de donner pour sa cause. Donc après, on rentre dans la quatrième description des muttaqoun, c'est le cheikh dit as-sifatu rabi'a والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. C'est-à-dire ceux qui ont cru en ce qui a été descendu, ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui a été descendu ou révélé avant toi. Et le cheikh il dit هذا في الذين آمنوا بالرسل صلى الله عليه وسلم. هذا في الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب حيث آمنوا بالكتابين هؤلاء يعطيهم الله أجرهم مرتين. قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Donc le cheikh il dit que cette caractéristique-là et cette attribut-là ou description, c'est en réalité pour ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens du livre. Parce qu'ils ont cru en deux livres. Hein, ils ont cru à leur livre, c'est-à-dire soit la Torah ou l'Injil, et ils ont cru par la suite au Coran. Ils ont cru à leur prophète, soit Moussa ou Isa, et ils ont cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le double de leur récompense. Hein? Subhanallah, Allah va leur donner le double de leur récompense parce qu'ils ont cru à deux livres et à deux prophètes, à deux messagers. Donc ça c'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle pour les gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont quitté le christianisme ou le judaïsme et qui sont entrés dans l'islam. Yani qu'ils auront double de la récompense des autres musulmans qui sont nés dans l'islam. Après le cheikh il dit qala ta'ala kadhalika anzalna ilayka al-kitab, hein, et c'est ainsi que nous avons révélé sur toi le livre, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui ont cru, hein, ceux à qui nous avons donné le livre auparavant, ils y croient, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, hein, ils y croient, ceux qui ont entendu le Coran et qui ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là à qui on leur a donné avant, ils y croient, ils savent que c'est la vérité. وَمِنْ هَاُولَا إِمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ, c'est-à-dire, et parmi ceux-là, hein, il y en a également qui y croient. Et cela, c'est-à-dire l'arabe, c'est-à-dire les arabes qui n'étaient pas parmi les gens du livre, c'était des mouchriquins. Eux, ils n'avaient pas reçu de livre auparavant, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi eux, il y en a également qui croient. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَمَا يَجْحَدُ بِيَيَاتِنَا » Et personne ne rejette nos signes, excepté les mécréants. « وَمَا يَجْحَدُ بِيَيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ » C'est uniquement les mécréants qui rejettent nos signes. Après, le chef, il mentionne d'autres versets. Il dit, « وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا » Donc le chef il mentionne ce verset-là qui dit « Et lorsqu'on leur récite, on récite sur eux le Coran ou les signes, ils disent « Nous y croyons, c'est la vérité qui vient de notre Seigneur. » Nous étions déjà avant celui-là, nous étions déjà musulmans. Hein? Subhanallah. Et ça, c'est vrai parce que lorsqu'on entre dans l'islam, et qu'on lit le Coran pour la première fois, on reconnaît la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je connais beaucoup de personnes qui ont eu cette réaction-là en voulant dire, lorsqu'ils ont accepté l'islam, ils ont dit, mais si c'est ça l'islam, alors j'étais déjà musulman, je croyais déjà en ces choses-là, sauf que j'ignorais que c'était l'islam, d'accord? Donc ça c'est la vérité, hein, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, après qui vient après, il dit, ceux-là on leur donnera, ou on leur rétribuera, ou on leur donnera deux fois leur récompense. On leur donnera deux fois leur récompense parce qu'ils ont fait preuve d'endurance et parce qu'ils ont été patients. Hein? Donc le cheikh il dit yu'tihim Allah ajrahum marratayn. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner deux fois leur récompense. Ajran 'ala al-iman as-sabiq wa ajran 'ala al-iman al-lahiq. Donc il va leur donner une récompense pour leur foi précédente qu'ils ont eue auparavant et une autre récompense pour leur foi celle qu'ils ont acceptée, c'est-à-dire l'islam, quand ils ont accepté l'islam par la suite. Donc ils vont avoir le double de la récompense. Après le cheikh il dit قال تعالى في آية أخرى يخاطب هؤلاء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم سبحان الله dans sourate al-hadid le verset 28 Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru craignez Allah subhanahu wa ta'ala et croyez en son messager il vous donnera deux parts de sa miséricorde كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته سبحان الله il va vous donner deux parts de sa miséricorde et il vous donnera une lumière dans laquelle vous marcherez et il vous pardonnera vos péchés والله غفور رحيم et Allah سبحانه وتعالى est pardonneur et miséricordieux فقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن lorsque Allah dit ceux qui ont cru en ce qui a été descendu sur toi, c'est-à-dire le Coran. وما أنزل من قبلك أي من الكتب السابقة. وما أنزل من قبلك ce qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire les livres précédents. فالذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كالنجاشي وعبد الله بن سلام وغيرهم من الذين آمنوا بالرسل السابقين ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que ça c'est pour ceux qui ont été vivants lorsque le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est apparu avec son message et qui ont cru en lui. Hein? Comme par exemple An-Najashi, le roi de l'Éthiopie à l'époque, et Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'était un des rabbins, un des juifs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cru en l'islam, il s'est converti en l'islam. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de juifs, qui se sont convertis à l'islam, et encore même aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui se convertissent à l'islam. Et je me souviens même en Arabie Saoudite, quand on étudiait à Médine, eh bien, beaucoup d'entre les frères qui venaient des États-Unis et d'autres pays également, il y en avait beaucoup qui étaient des juifs convertis à l'islam. Masha'Allah, et tu les vois, masha'Allah, des salafis, vraiment, masha'Allah. Donc, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Alhamdulillah. Et donc, après, le chef, il dit, as-sifatul khamisa, la cinquième caractéristique, wa bil akhirati hum yuqinun, et ils croient en al-akhira, avec certitude. Ils croient avec certitude en al-akhira. Le chef, il dit, al-akhira yawm al-qiyama. L'akhira, c'est quoi? C'est le jour de la résurrection. سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا والدنيا سميت بذلك لأنها اليوم الأدنى. Donc le cheikh il dit que on l'appelle akhira parce que elle est après la dunya, et on appelle la dunya, pourquoi on appelle dunya la vie présente, parce que elle est actuellement plus basse par rapport à la vie de l'akhira, parce que la vie de l'akhira c'est quelque chose qui est plus haut. Donc al-dunya c'est al-adna, comme le cheikh il dit. وهذا هذا الوصف داخل في الايمان بالغيب المتقدم. Donc cet aspect là, c'est-à-dire al-iman bil akhira, ça c'est la cinquième caractéristique, ça fait partie de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la première caractéristique, c'est-à-dire de croire en al-ghayb. Parce que l'akhira, ça fait partie du ghayb. Le cheikh il dit, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَإِنَّمَا أَعَادَ ذِكْرَهُ اِهْتِمَامًا وَتَأْكِيدًا لِلْإِمَانِ بِهِ لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اسْتَعَدَّ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالتَّوْبَةِ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a répété encore une fois d'une façon plus particulière et plus spécifique pour montrer son importance et pour confirmer qu'il faut y croire, parce que celui qui a cru en le jour dernier, il doit se préparer pour ce jour-là en faisant des bonnes œuvres et en faisant sa repentance de toutes les mauvaises actions qu'il a fait. الشيخ يقول والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة. De croire en le jour dernier, c'est un des piliers parmi les six piliers de la foi. وهذه خمسة أوصاف للصنف الأول الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا. Donc le cheikh il dit que ces cinq caractéristiques là qu'on a mentionnées sont des caractéristiques des gens qui ont cru au Coran intérieurement et extérieurement. Le cheikh il dit par la suite, ثم بين جزاءهم سبحانه وتعالى فقال أولئك على هدى من ربهم هذا في الدنيا أي يسيرون على طريق صحيح واضح لا اعوجاج فيه وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَعْنِي فِي الْآخِرَةِ بِالْجَنَّةِ. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, à la fin de, après avoir décrit ces cinq caractéristiques là, il a mentionné leur récompense, et la récompense c'est donnée de ceux qui ont cru en le Coran intérieurement et extérieurement. Il dit que ceux-là sont sur une guidance de la part de leur Seigneur. Donc ça c'est dans la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par une guidance dans cette vie, et yani, c'est-à-dire qu'ils suivent un chemin qui est un chemin véridique, qui est correct et clair, et qui n'est pas du tout yani, tortueux, et yani, c'est pas un chemin qui tourne à gauche et à droite, c'est un chemin droit. Et après Allah il dit wa ulaika humul muflihun, c'est eux qui auront le succès, et ça c'est dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le paradis. Et le cheikh il dit wal falah huwa al fawz wal husul ala al ajr al azim. Al falah c'est quoi? Ça veut dire d'avoir le succès et d'arriver à une énorme récompense. Wa hasara al falah fihim bi qawlihi wa ulaika humul muflihun. أما غيرهم فلا فلاح ولا صلاح لهم. وهذا هذا القسم الأول. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a restreint le succès à ceux-là. C'est-à-dire c'est uniquement ceux-là qui auront la récompense. وَأُولَٰئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ. Ce sont eux qui auront le succès uniquement. Et les autres, ils n'auront pas de succès. Hein? Donc c'est ce que ça signifie. Ils n'auront pas de succès. Et ça c'est la première catégorie. C'est-à-dire la première catégorie que Allah, dont Allah a parlé. Ensuite, il va expliquer la deuxième catégorie. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas cru, ni intérieurement, ni extérieurement. Al-Qismu-Thani. Et ce sont les kuffars. Après avoir mentionné les caractéristiques des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il entre dans la description d'une autre catégorie de groupe parmi les gens et qui exprime c'est quoi leur réaction ou leur attitude vis-à-vis du Coran. D'accord? Donc, on a expliqué ceux qui ont cru. Maintenant, l'attitude du deuxième groupe ou de la deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas cru. الشيخ الزي الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا وفيهم آيتان تبدأان بقوله تعالى إن الذين كفروا. Donc le Cheikh il dit ici que يعني ceux qui ont mécru au Coran intérieurement et extérieurement, ça c'est la deuxième catégorie, et il y a deux versets à leur sujet qui commencent par par le verset inna alladhina kafaru, certes ceux qui ont mécru. OK, donc ça c'est les deux versets qui suivent qui sont au sujet des non croyants. Al kufru adamu al-iman wal imtina'u min ad-dukhul fihi wa huwa fil asl min al kufr min al kafr pardon wa huwa fil asl min al kafr wa huwa as-satr yuqal kafara ash-shay' idha satarahu وتكفير السيئات سترها وتغطيتها ومحوها وإزالتها. Le Cheikh dit que al-kufr, qu'est-ce que ça signifie al-kufr? Ça signifie l'absence de foi et de refuser de rentrer dedans, c'est-à-dire de refuser d'entrer dans la foi. Et le Cheikh il dit que à la base dans la langue arabe le kufr c'est de camoufler quelque chose ou de cacher quelque chose, ça vient de al-kafr et ça veut dire as-sitr. As-sitr c'est ça, c'est de cacher quelque chose, de couvrir quelque chose, d'accord. Et il dit yuqalu kafara ash-shay' idha satarahu, quand tu dis kafara ash-shay', il a utilisé le verbe à la troisième personne du singulier pour montrer que la personne qui a fait le geste kafara par exemple, ça veut dire qu'il a caché ou couvert ou camouflé quelque chose. Wa takfiru sayyi'at satruha. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle par exemple d'expier des péchés, c'est-à-dire dans la langue arabe, quand on dit takfiru sayyi'at, ça veut dire de couvrir, hein, et de cacher les péchés ou les mauvaises choses. Wa mahuha wa izalatuha, c'est-à-dire de les effacer et de les enlever. Donc ça c'est des définitions de takfir, hein, takfir as-sayyi'at. Et le Cheikh il dit wa summiya az-zurra'u kafiran aw az-zari'u kafiran li'annahu yughatti al-buzura bid-dafn fi al-ard. ومنه قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع. Donc le Cheikh il dit que on appelle également les cultivateurs, les gens qui cultivent la terre et qui font de l'agriculture, hein, on l'appelle celui-là un kafir, hein, on l'appelle également kafir dans la langue arabe, ça c'est linguistiquement. On l'appelle kafir, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il prend la graine ou la semence et il la met dans la terre et il la recouvre avec la terre. D'accord? Il l'enterre, la graine, et il la camoufle, il la cache. Donc ça c'est expliqué également dans son sens linguistique dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit il y a à propos il dit comme une pluie qui fait pousser les plantes et qui étonne ou qui éblouit les cultivateurs. Mais le terme utilisé ici c'est al-kuffar, hein. Et donc ça explique une chose, mais en même temps il faut bien comprendre qu'il y a des groupes de musulmans actuellement qui essaient de nier qu'il y a des koufars, subhanallah, ils essaient de faire croire aux gens que les koufars sont des mu'minines, hein, ils essaient d'interpréter le terme le kafir uniquement par une interprétation linguistique. C'est-à-dire, je limite à cette explication linguistique-là pour comprendre la signification du terme kafir. Et ils essaient, en utilisant ça, de faire entrer dans la définition de la foi, et en est tous les koufars, les non-musulmans. Donc, ils essaient d'utiliser ce terme-là pour essayer de faire entrer les chrétiens et les juifs et les autres koufars dans l'islam ou dans la foi. Et ça, c'est une opposition, hein, à la religion d'Allah et à l'islam. Et eux, ils croient, parmi ces gens-là, ils croient que les extrémismes ou les formes d'extrémisme qui sont apparues dernièrement dans le monde musulman, comme par exemple les gens qui ont attaqué des innocents parmi les musulmans, que ce soit le 11 septembre ou dans d'autres attentats qu'ils ont fait dans les pays musulmans et dans des pays non musulmans comme à Londres et par exemple en Espagne, qu'est-ce qu'il y a eu à Madrid il n'y a pas longtemps, et toutes ces formes d'agression de certains groupes déviés parmi les groupes de gens de Bid'a qui attaquent les musulmans et les non musulmans d'une façon sauvage et aveugle, ils s'imaginent que ces attentats-là sont faits parce que les musulmans font une distinction entre les mu'minines et les kuffars, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir. Le fait qu'on dise et qu'on déclare que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, ça ne justifie pas du tout qu'on les agresse et qu'on leur fasse du mal ou qu'on essaie de les tuer ou de faire des attentats terroristes de ce genre. Tout ça, c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne, un musulman, qui tue un non-musulman qui a une entente ou qui a un pacte avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça veut dire que pour le musulman, lorsque le non-musulman a eu une entente ou qui a une entente de paix entre son pays et le pays des non-musulmans, il n'a pas le droit de les agresser ou de leur faire une trahison ou de leur mentir ou de les voler ou n'importe quel autre acte d'agression ou d'injustice. Et la même chose si tu rentres dans leur pays, c'est-à-dire tu rentres dans le pays des koufars, et puis tu rentres avec un visa, donc ça veut dire que tu as un permis, tu as signé que tu allais pas faire aucune chose qui est en contradiction avec les règles du pays. Donc ça veut dire que tu dois respecter cette entente-là. Et le musulman qui trahit cette entente, il a manqué à sa responsabilité de musulman. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, il a expliqué ça dans son livre Al-Mughni, et il a mentionné que le musulman qui faisait ça, il a commis un acte de trahison. Il a commis un acte de radar. C'est lui qui rentre chez les koufars et qui détruit ou qui tue ou qui fait des choses interdites par l'islam. Le fait qu'il soit chez les koufars, ça ne justifie pas qu'il ait le droit de faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi que le non-musulman, le kafir, qui meurt à cause, qui a été tué par un musulman, si ce kafir, il avait une entente entre lui et les musulmans, hein, qui a un pacte ou un visa, yani, qu'il soit chez nous ou qu'on soit chez eux, yani, eh ben, on doit payer, selon l'islam, on doit payer une diya complète pour lui, s'il est parmi ceux qu'on appelle al-mu'ahadoun, ceux qui ont une entente. Hein? Il doit payer une diya complète, au tahriru raqabatin. Hein? Il doit donner, il doit libérer un esclave et donner la diya complète. Donc ça, on voit que, yani, on doit respecter nos ententes vis-à-vis des kuffars. On ne doit pas paraître devant les kuffars comme étant des gens malhonnêtes et comme étant des gens qui transgressent notre parole et qu'on manque à nos ententes, etc. Donc le fait que, par exemple, on détermine que ou qu'on dise que c'est les juifs et les chrétiens soient des kuffars, ça ne veut pas du tout dire que, yani, on va les agresser ou qu'on a le droit de les agresser, pas du tout. Hein? Et ceux qui ont compris cette chose-là de cette façon-là et qui essaient de rendre les kuffars croyants, hein, les déclarer croyants, eh ben, rentrer un kafir et le déclarer croyant, dire qu'un kafir est croyant, c'est aussi pire que déclarer un musulman kafir. C'est la même chose. Hein? Tu prends un musulman, tu dis qu'il est kafir. Tu prends un kafir, tu dis qu'il est musulman. Yani, c'est, les deux sont aussi graves. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Yani. Okay, Allah a déclaré les juifs et les chrétiens comme étant des kuffars dans plusieurs versets dans le Coran. Okay? Donc il faut toujours revenir à qu'est-ce qu'Allah nous a ordonné. Et ça, on va y revenir plus tard. Inch'Allah, le cheikh, il en parle à plusieurs endroits dans le livre. Le cheikh, il dit, وَالَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِيمَانِ وَلَمْ يُجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ إِنَّمَا سُمُّوا كُفَّارًا لِأَنَّهُمْ سَتَرُوا الْحَقِّ وأخفوه ولم يقبلوه لأن كثيرا منهم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Donc le cheikh dit, ceux-là ils ne sont pas entrés dans la foi et ils n'ont pas répondu à l'appel de celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont été appelés kuffar. Hein? Ils n'ont pas entré dans la foi et ils n'ont pas répondu à l'appel de celui qui appelle à Allah, c'est-à-dire les messagers. Hein? Et ceux qui ont appelé à l'islam après eux. Donc on les appelle, ceux-là, des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ont caché la vérité et ils l'ont camouflé. Et ils ont refusé de l'accepter. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de plusieurs d'entre eux, comme il a dit à propos de Pharaon et de ceux qui ont mécru parmi le peuple de Pharaon, wa jahadu biha, hein, ils l'ont renié, ils ont refusé de l'accepter, alors que au fond d'eux-mêmes ils en étaient convaincus, hein, ils y croyaient avec conviction. Donc c'est-à-dire ils l'ont rejeté et ils l'ont renié par fierté et par injustice, zulman wa uluwan, hein, malgré qu'ils y croyaient au fond d'eux-mêmes avec certitude, hein, parce que ça fait partie de la fitra, ils peuvent pas le nier, tout le monde au fond de lui-même, il reconnaît la vérité, que Allah existe, etc., que c'est lui qui doit être adoré, ça là, c'est au fond de chaque être humain, excepté qu'il y a zulm wa ulu, etc., des choses de ce genre, la fierté, l'orgueil, hein, l'arrogance, tout ça, l'injustice, ça pousse certains à rejeter la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des kuffars également, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est-à-dire, ils ne te traitent pas de menteur, ils savent que tu n'es pas menteur. C'est-à-dire, ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne ment pas. Hein, parce qu'il est Al-Amin. Même avant l'islam, ils le connaissaient comme étant Al-Amin, celui qui est fiable, qui est trustworthy. Il est, on peut lui faire confiance. Hein, on peut lui faire confiance. Mais c'est-à-dire, c'est pas toi qui le traite de menteur, mais c'est la réalité. Hein. En réalité, ce sont des injustes et ils refusent, hein, ils rejettent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vérité. Hein. Donc les kuffars subhanallah, comme il y en a certains, parmi certains musulmans comme Al-Qardawi et d'autres, ils essaient de faire, d'avoir un discours vis-à-vis des non-musulmans pour dire on veut que vous nous reconnaissiez, hein, on veut être reconnu par vous les kuffars, et on veut que vous reconnaissiez notre droit à exister en Europe ou je sais pas où. Hein. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas suffisant que lui, Allah, il nous a reconnus et qu'il nous a agréés comme avec notre religion, l'islam. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ إِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Ça, c'est pas suffisant pour nous, subhanallah. Qu'est-ce qu'on veut qu'il nous reconnaisse, yani, qu'est-ce que ça signifie, cette chose-là, yani, ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, ils savent que l'islam, c'est la vérité. Mais c'est les signes d'Allah qu'ils rejettent. Hein? C'est les signes d'Allah qu'ils rejettent, qu'ils refusent d'accepter, c'est tout. Donc, il faut garder ça en tête. Et le cheikh, maintenant, il explique différentes formes de kufr qui existent. Il dit, premièrement, وَالْكُفْرُ يَكُونُ بِالتَّعْطِيلِ وَإِنْكَارِ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَى وَيَكُونُ بِالشِّرْكِ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَكُونُ بِارْتِكَابِ نَاقِدٍ مِنْ نَوَاقِدِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ فالكفر يكون بالجحود ويكون بالعناد ويكون بالاستكبار ويكون بالنفاق ويكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك والكفر أنواع يجمعها عدم الإيمان. D'accord. Le cheikh, il explique et il dit que le kufr, il peut s'exprimer ou il peut être manifesté de différentes façons. Il n'y a pas juste une seule forme de kufr. Hein? Certains croient que le kufr, c'est juste de rejeter, de nier l'existence de Dieu. Non, c'est pas seulement ça le kufr. Il y a beaucoup de formes de kufr également. Le cheikh il dit par exemple, at-ta'til, c'est-à-dire de rejeter l'existence de Dieu, hein, et de rejeter ses attributs et ses noms, etc. Ça, c'est une forme de kufr. Également, une autre forme de kufr qui est shirk billah ou shirk ma'allah, c'est-à-dire d'associer quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, ou dans son adoration, hein, ou dans sa souveraineté. Ça, c'est, il y a différentes formes de shirk, et ça te fait sortir de l'islam également, et si tu n'es pas, les kuffars, c'est ça qu'ils font, et c'est pour ça que, tant qu'ils n'ont pas laissé tomber le shirk, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des musulmans. également, on peut faire le kufr en ayant une forme de naqid, hein, une des formes, parce qu'il y a plusieurs choses qui annulent l'islam de quelqu'un. On appelle ça nawaqid ou l'islam. Comme par exemple, il y a des choses qui annulent ton wudu, lorsque tu fais ta purification, ton ablution, il y a des choses qui peuvent l'annuler. La même chose avec ton islam, il y a des choses qui peuvent l'annuler ton islam, qui peuvent te faire quitter la religion de l'islam. Et parmi ces choses-là, il y en a beaucoup. Cheikh Mohamed Abdel Wahab, hein, il a fait un petit livre, qui explique ces 10 parmi ces choses-là qui te font sortir de l'islam. Ce ne sont dans ces 10-là, c'est pas toutes. Il a pas rassemblé toutes les formes de nawaqid de l'islam. Il a uniquement mentionné celles qui se manifestaient le plus souvent, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et si vous retournez au livre de fiqh, dans tous les madahib, parmi les 4 madahib et les autres, vous allez trouver un chapitre qui s'appelle Bab Ridda, le chapitre de l'apostasie, Ridda. Et dans ce chapitre-là, les ulama ont énuméré différentes sortes de nawaqid de l'islam, des longues listes. Hein. Et donc, qu'est-ce que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a mentionné? C'est uniquement les plus courantes, celles qui arrivent le plus souvent parmi les musulmans. Après, le cheikh il dit, فالكفر يكون بالجحود. Tu peux faire le kufr en rejetant quelque chose ou en reniant quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Hein? Si quelqu'un dit par exemple, moi je bois pas d'alcool, mais l'alcool c'est halal. Il rejette l'interdiction de l'alcool avec connaissance, il devient kafir. Il rejette quelque chose qui vient d'Allah, il est kafir. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. C'est uniquement les mécréants qui rejettent nos signes. Donc si quelqu'un rejette un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, même un mot, hein, et alors il est kafir. Donc ça c'est un exemple. وَيَكُونُ بِالْعِنَادِ, hein, ça peut être également par opposition, hein, tu t'opposes à la vérité. وَيَكُونُ بِالْاِسْتِكْبَارِ, ça peut être également par fierté, hein, comme par exemple le coffre de Iblis, لعن الله. Iblis a refusé de se prosterner par fierté, par orgueil. Alors à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déclaré kafir. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Astakbarta am kunta min al-'alin?" Hein? Est-ce que tu t'es rempli d'orgueil? Tu te penses parmi les hauts? Les hauts placés, hein? Donc, il a mécru par cette forme de coffre. وَيَكُونُ بِالنِّفَاقِ, ça peut être également, la mécréance peut être également par nifaq, c'est-à-dire par hypocrisie. Tu montres extérieurement que tu as la foi, puis intérieurement, yani, tu caches ta mécréance. وَيَكُونُ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ وَبِالْاِعْتِقَادِ وَبِالشَّكِ. Quelqu'un peut devenir mécréant par une parole qu'il prononce. Hein? Et il y en a des fois des gens, subhanallah, ça m'est arrivé malheureusement de rencontrer des musulmans qui disent directement je suis kafir, ou bien je suis kafir. Et on est comme ça. Je ne sais pas s'ils disent ça pour jouer ou pour s'amuser, hein? Ou bien ils s'imaginent qu'ils mentionnent ça uniquement pour se débarrasser de toi, et Annie, hein, quand tu leur mentionnes quelque chose qu'ils n'aiment pas entendre, ils disent bon, ok, ça y est, je suis kafir, auzubillah. Et ça, ça compte. Quand quelqu'un dit ça de cette façon-là, ça compte. Parce que si une personne mentionne des paroles de kufr alors qu'il n'est pas contraint, qu'il n'est pas contraint à le faire, il est kafir. Hein? Allah dit dans le Coran, illa man istukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est-à-dire excepté ceux qui ont été contraints alors que leur cœur est yani rempli de foi, hein, ils sont en paix et que leur cœur est rempli de foi en sérénité, yani, avec la foi. Hein? Ça, ceux-là sont excusés pour avoir prononcé ou fait quelque chose qui est kufr. Mais ceux qui le font le kufr alors qu'ils ne sont pas contraints, hein, ceux-là sont considérés comme étant des kuffars. Réellement, même si ils le disent pour blaguer. Hein. C'est très sérieux la question de ces choses-là, hein, c'est très sérieux. Et comme par exemple, quelqu'un peut quitter l'islam en se moquant de quelque chose qui fait partie de la religion. Hein? Tu te moques du niqab, tu te moques du hijab, tu te moques de la barbe, tu te moques des expressions ou des caractéristiques qui fait partie des caractéristiques des croyants, comme vous en avez parmi certains laïcs ou des gens qui se disent laïcs, qui ils se disent musulmans mais en même temps ils sont laïcs, yani, donc c'est une contradiction en fait. Et il y a une da'wa maintenant parmi certains là, comme Tariq Ramadan et d'autres, qui appellent les musulmans à être laïcs et qui essaient d'interpréter la laïcité par une autre signification que la signification qui lui est donnée par les kuffars, yani. Donc ils créent une shubha en utilisant le même mot mais pour une autre signification. Donc yani, des gens comme ça, ils disent que yani, il faut accepter la laïcité et des choses comme ça, et ça implique vraiment des idées de kufr, parce que ça implique de juger par autre que ce que Allah a révélé et d'être satisfait et de permettre le jugement par autre que ce que Allah a révélé, et ça c'est grave, yani. Et Donc c'est pour ça, il faut faire attention à ces choses-là. Quelqu'un qui se moque, il y en a parmi ces gens-là, il se moque, ah, les barbus. Ah, subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une barbe. Il y en a, quand tu te moques d'un musulman pour sa barbe, eh bien c'est comme si en réalité, il y en a, tu te moques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu te moques des sahaba. Donc il faut faire attention, il y en a. Donc ça c'est un exemple, et tu peux faire le kufr également par les actions. Tu peux faire le kufr par des actions. Il y a quelqu'un qui prend le mushaf, il le jette par terre, dans la poubelle ou des choses comme ça. Quelqu'un qui se prosterne devant des idoles ou des choses comme ça. Ça, c'est des exemples de kufr. Al-i'tiqad, le kufr par la croyance, soit en croyant en quelque chose qui est faux. En croyant à quelque chose qui est contraire à la foi ou à la ilaha illallah, ou en refusant de croire en quelque chose qui est obligatoire de croire, ça rentre dans le kufr également, ou bien par le doute, de douter en quelque chose qui est établi dans l'islam, dans les fondements de la foi. Ça c'est un exemple de chose qui peut te faire sortir de l'islam. Donc le kufr peut être par les paroles, les actions, la croyance et le doute. Et le cheikh il dit, et on peut rassembler toutes les catégories de kufr dans une seule en disant que c'est l'absence de foi. Et le cheikh il dit, wa qawluhu ta'ala inna alladhina kafaru ay abaw an yaqbalu huda Allah subhanahu wa ta'ala haula la hilata lahum fihim la hilata fihim. Donc le cheikh il dit ceux qui ont mécru, certes ceux qui ont mécru et qui ont refusé d'accepter la guidance d'Allah, ceux-là ils n'ont pas de sortie, ils n'ont pas d'issue. Allah il dit à propos d'eux, sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. C'est pareil pour eux, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Le cheikh il dit, لأنهم لما عرفوا الحق أول مرة ولم يستجيبوا عاقبهم الله بحرمانها أو بحرمانهم من الإيمان فلا يهتدون بعد ذلك أبدا. Donc le cheikh il dit, étant donné qu'ils ont reconnu la foi du premier coup, c'est-à-dire la première fois qu'ils ont entendu parler de la foi, ils ont reconnu que c'était la vérité, mais qu'ils ont refusé d'accepter la foi, ils n'ont pas répondu à l'appel, Allah les a punis en les coupant de la foi. Et donc, à cause de ça, ils n'ont pas pu croire par la suite. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils se sont déviés eux-mêmes, Allah a dévié leur cœur. Et souvent Allah subhanahu wa ta'ala, quand il égare quelqu'un ou qu'il scelle le cœur de quelqu'un, c'est en punition. C'est une punition pour le fait qu'il a refusé de croire en partant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah guide son cœur. Donc ça veut dire que le fait qu'une personne se détourne de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala le punit en le détournant de la vérité. وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Par la suite Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a scellé leur cœur et leurs ouïes, leurs oreilles, ils n'entendent plus. Comme le cheikh il dit, ختم الشيء معناه إغلاقه بحيث لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. Ça veut dire que al-khatm, qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe? Ça signifie de fermer quelque chose de façon à ce que rien n'y entre et rien n'y sorte. C'est scellé. Et le cheikh il dit, وَخَتَمَ اللَّهُ ختم على قلوبهم أي أغلقها بالخاتم أو بالخاتم أغلقها بالخاتم أو بالختم فلا ينفذ إليه النور ولا يصل إليه الإيمان إليها الإيمان فلا ينفذ إليها النور ولا يصل إليها الإيمان بسبب إعراضهم كما قال تعالى كما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فمن تبين له الحق وأعرض عنه عوقب بالحرمان فلا يقبله بعد ذلك. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah dit qu'il a scellé leur cœur, il a mis un sceau sur leur cœur, c'est-à-dire qu'il les a fermé, il a fermé leur cœur avec un sceau. Et donc il n'y a rien qui peut y rentrer. La lumière ne peut pas y rentrer. La lumière ne peut pas entrer dans son cœur. Et la foi ne peut pas entrer également dans son cœur. Et le cheikh il dit, et la cause de ça, pourquoi ils ont été scellés, pourquoi leur cœur a été scellé, c'est parce qu'ils se sont détournés de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Al-An'am, le verset 110, et parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, hein, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Hein, nous détournerons leur cœur et leurs yeux parce qu'ils n'ont pas cru la première fois. Donc, quand ils ont reçu le message au début, ils ont refusé de croire. Hein, ils se sont aveuglés. Hein, ils ont refusé de voir et d'entendre. Alors, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala détourne leur cœur et il leur renverse le cœur à cause de ça, en punition. C'est une punition pour eux puisqu'ils ont refusé d'y croire. Donc, celui à qui la vérité a été clarifiée et qui s'en détourne, il est puni en étant privé de la foi. Et donc, il ne peut plus l'accepter par la suite. Hein? Le cheikh, il dit par la suite, « Ô madame Allah, ختم على قلوبهم وسد المنافذ التي توصل الخير إليها فلا فائدة من دعوتهم بل وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Hein? Donc le cheikh il dit, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur et qu'il a fermé toutes les fenêtres par lesquelles le bien pourrait les atteindre, alors il n'y a aucun bienfait à les appeler, hein. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est égal, hein, pour eux, que tu les appelles, que tu les avertisses, ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais, hein. Et donc, subhanallah, il faut réaliser ça. Quand on donne une da'wah, hein, il faut réaliser que cette da'wah, elle peut uniquement être affective pour les personnes qui n'ont pas le cœur scellé, qui veulent croire. Et quand Allah a scellé les cœurs de quelqu'un, eh bien, même peu importe tout ce qu'on essaie de faire pour le guider, eh bien, il ne sera jamais guidé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, tu ne pourras trouver aucun allié pour le guider, pour lui montrer le droit chemin. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y en a, vous entendez certains qui parlent, qui disent, ils touchent les cœurs, c'est-à-dire certains parmi les du'at, ils pensent que quand ils parlent, ils touchent les cœurs, ils sont capables de toucher leur cœur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est Allah qui met la foi dans le cœur des gens, hein? C'est pas nous. Nous, on sème comme le semeur, on sème la graine, c'est-à-dire on donne le message aux gens, on explique. In alayka illa al-bala. Toi, tu n'as qu'à transmettre. Hein? Tu ne fais que transmettre le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, c'est lui qui va se charger de guider ou d'égarer la personne. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en charge. Il y a beaucoup de versets de ce genre dans le Coran. Donc après Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa qawluhu 'ala sam'ihim ay ختم على سمعهم فلا يسمعون سماع قبول واهتداء وإن كانوا يسمعون الصوت بأذانهم ولكن لا يسمعون سماع قبول وانتفاع حرمهم الله فائدة الأسماء والعياذ بالله كما قال سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Donc le cheikh il dit, hein, et il a scellé également leurs ouïes, hein, leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils n'entendent plus. C'est-à-dire qu'ils entendent, mais ils n'entendent pas d'une façon d'accepter la vérité et d'être guidés. Hein, ils entendent comme des voix confuses dans leurs oreilles, hein, sans prendre le temps de réellement réfléchir sur ce qu'ils entendent. Hein. Ils entendent un peu comme les bêtes, comme les animaux. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a privés d'entendre d'une façon qui est bénéfique. Que Allah nous en protège. Comme le cheikh, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset de Surat al-Baqarah 171, hein, l'exemple des mécréants, des kuffars, c'est comme l'exemple de celui qui c'est comme l'exemple du bétail qu'on est en train de les appeler, hein. Quand on appelle le bétail, hein, ils n'entendent pas, c'est comme une voix confuse ou des cris qu'ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Donc c'est comme Allah les compare à du bétail, à des animaux. Summun, bukmun, umyun, ils sont, sourds, muets et aveugles. Et donc, ils ne réfléchissent pas. Hein? Ils ne réfléchissent pas. Toutes les portes vers le bien sont bloquées pour eux. Toutes les portes pour faire rentrer la lumière et les fenêtres pour faire entrer la lumière sont fermées. Chez eux. Et le cheikh il dit, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٍ. Et sur leurs yeux, il y a un voile. على أبصارهم خبر مقدم وغشاوة مبتدأ مؤخر. C'est-à-dire, Allah il dit, il y a un voile sur leurs yeux, mais Allah le dit, il le dit à l'envers, c'est-à-dire, et sur leurs yeux il y a un voile, hein, il y a sur leurs yeux un voile. وهي جملة مستأنفة. C'est une phrase juxtaposé, si je me trompe pas, Yanni, ça a rapport avec qu'est-ce qui précède. Et, al-rishawa, c'est al-rita. Le cheikh, il dit, al-rishawa, al-rita. Hein, c'est quelque chose qui couvre. Al-rishawa, c'est comme quelque chose qui couvre, qui cache. Hey, ja'ala ala absarihim rita'an. يحول بينهم وبين الانتفاع بما يشاهدون من آيات الله فلا يبصرون إبصار انتفاع. Donc Allah il a mis sur leurs yeux un voile ou une couverture qui les empêche de profiter réellement de ce qu'ils témoignent des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les vois, ils regardent, ils voient tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux, mais ils ne sont pas capables de comprendre la foi et qu'ils ne sont pas capables de profiter de tous ces signes-là. Tu les vois qui sont comme des aveugles. Donc ils voient, mais ça ne leur sert à rien de voir. لا ينظرون في آيات الله ولا يستفيدون من النظر فيها وإنما نظرهم كنظر البهائم تنظر إلى الأشياء ولكن لا تدرك الحكمة منها والسر فيها فحرمهم الله نعمة القلوب ونعمة الأبصار ونعمة الأسماع والسبب هو أنهم كفروا ولم يقبلوا الحق. Donc le cheikh il dit que lorsqu'ils regardent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'en profitent pas. Le fait de les voir, ça leur sert à rien. Et ils regardent un peu comme les animaux, hein, ils voient comme les bêtes. C'est-à-dire, ils voient, mais ils ne comprennent pas la sagesse derrière et le secret qui est dedans. Donc, Allah les a privés de la grâce de leur du cœur et de la grâce de l'ouïe et de la grâce de la vue. Et la cause de ça, c'est parce qu'ils ont refusé de croire et d'accepter la vérité. Hein? Donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a privés de ces bienfaits-là. وفي هذا تحذير عن الإعراض عن الحق لكل من سمعه لأن ذلك الإعراض سبب لحرمانه من الهداية فيظل مغلق القلب مختوما عليه كما حرم هؤلاء وختم على قلوبهم. Et ça également, on voit que parfois même parmi les gens de Bid'a, il y en a comme ça qui refusent d'accepter la vérité et de voir la vérité lorsqu'on leur présente. Hein, donc ils s'aveuglent et ils refusent de croire. Donc le cheikh il dit qu'il y a un avertissement dans ces versets-là de se détourner de la vérité pour toute personne qui l'entend. Parce que lorsque tu te détournes de la vérité, hein, ça va être la cause du fait que tu vas être privé de la guidance et que tu vas garder ton cœur fermé et scellé. Hein? Comme ceux-là, comme ceux qui ont mécru, ont été scellés. Hein? Donc c'est pas quelque chose que tu dis, bon ça y est, moi je suis mu'min, alhamdoulilah, mon cœur est pas scellé. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que ton cœur est pas scellé aujourd'hui que tu vas rester comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire en sorte que tu vas pas amener une cause qui va faire en sorte que ton cœur va devenir scellé. C'est-à-dire en te détournant d'une vérité. En refusant d'accepter quelque chose de la vérité. Donc, le cheikh il dit, ثم قال ولهم عذاب عظيم هذا جزاؤهم في الآخرة عذاب لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا القسم الثاني عاقبهم الله في الدنيا عقوبة عاجلة بحرمانهم من الانتفاع بحواسهم وعقوبة آجلة في الآخرة بالعذاب العظيم في النار. Donc ça vient conclure la deuxième catégorie des gens dans leur attitude vis-à-vis du Coran. Allah dit ولهم عذاب عظيم, c'est-à-dire ça c'est leur punition dans l'au-delà. Ils auront un dur châtiment. Un châtiment dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la grandeur. Ça, c'est la deuxième catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala va les punir dans cette dunya d'une punition, et elle est précipitée comme il les a privés de profiter de leur sens, hein, comme on a expliqué. Et il va les punir d'une punition plus tard dans l'akhirah par un dur châtiment dans l'enfer. Donc ça vient conclure la deuxième catégorie, c'est-à-dire les gens qui ont mécru intérieurement et extérieurement. Et inshallah la semaine prochaine on va expliquer la troisième catégorie qui est ceux qui ont cru au Coran extérieurement, mais qui ont mécru intérieurement. Donc on va arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous remercie d'avoir assisté et puis que Allah subhanahu wa ta'ala rende ce dars bénéfique autant pour vous qu'il l'est pour moi et qu'il vous augmente en connaissance et en piété. Et qu'il vous ramène, inshallah, dans son paradis au jugement dernier. Amin. Donc, à la semaine prochaine, même heure, même salle, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran.